petit peu plus à l'est et au sud-est en direction de la province depuis Charenton pour rejoindre Saint-Maurice. Attention également sur la 86 extérieure pour rejoindre Maison-Alfort. Et on va jouer sur France Bleu Paris, on va aller à Meudon, c'est là où on va retrouver Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Eric. Comment ça va Myriam ? Bien, bien. Bien, bien. Myriam, qui est une nouvelle auditrice de France Bleu Paris ou dites-moi. Oui, bah, écoutez, j'ai changé de chaîne ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Bravo ! Bravo ! Je ne vous demanderai pas quelle radio vous écoutiez avant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous soyez avec nous. Bienvenue sur France Bleu Paris. Franchement, vous avez découvert la radio comment ? En écoutant, à la maison, en voiture ? Je connaissais déjà France Bleu, puis j'ai simplement tourné le tuning et voilà, je suis arrivée chez vous et j'y suis restée. Ça fait super plaisir, Myriam. Qu'est-ce que vous... Alors, on va prendre un peu le temps de faire connaissance. Du coup, vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis chanteuse et je crée des spectacles. Et la particularité, c'est que je chante notamment en yiddish. D'accord. Principalement même en yiddish. Ouais. Le yiddish, c'est la langue qui était parlée par les juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale avant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. On l'appelle parfois aussi judéo-allemand. Hein, j'ai été vérifié. Voilà, le yiddish, ça doit être très beau. Mais vous chantez sur scène à Paris, en région parisienne. Vos spectacles, ils sont où ? Je chante sur Paris. Oui, là, j'ai un spectacle qui s'appelle Rose en ciel. C'est un spectacle de théâtre musical. Dont toute l'histoire est en français, mais les chants qui s'entremêlent dans l'histoire sont en yiddish. D'accord. Et ça se passe à la Comédie Nation le 12 novembre et le 10 décembre, des dimanches à 16h30. Eh ben, vous avez bien fait de l'annoncer en direct sur France Bleu, on l'a noté, c'est parfait, franchement bien, on viendra vous applaudir. Et puis pourquoi pas vous recevoir, je parlais de l'émission Découverte Nouvelle Scène Musicale, pourquoi pas vous recevoir un de ces prochains soirs sur France Bleu. Allez. Voilà, alors je précise pour si jamais vous me cherchez, c'est que quand je chante, en tant qu'artiste, je suis sous le nom de Mirelle Rosen. Ouais. Mirelle qui veut dire Myriam en yiddish. Exactement. Eh ben Myriam Mirelle, voilà. On va jouer. Et puis ça tombe bien puisque si vous êtes chanteuse, on va parler de cette scène, la scène musicale de Boulogne-Billancourt, où se produit d'ailleurs Imani hein, ce soir en concert. Est-ce qu'elle est située sur l'île Seguin, l'île de la Jatte ou l'île aux Cygnes ? Sur l'île Seguin. Gagné. C'est bien l'île de Seguin, on entend un extrait d'Imani hein, qui sera en concert ce soir. L'île de la Jatte, c'est plutôt vers Courbevoie, Asnières, et l'île aux Cygnes, c'est juste en face de la maison de la radio et de la musique, entre le 16e et le 15e arrondissement. Bonne réponse Myriam, tiens, pour vous faire plaisir, un peu de chanson yiddish. C'est plus de la musique hein, pour se mettre dans l'ambiance. Pour vous, ça, Myriam, pour vous souhaiter la bienvenue sur France Bleu, merci puisque vous êtes toute nouvelle. Ça fait plaisir. Allez, vous voilà sélectionnée. Myriam, on vous retrouvera peut-être avec plaisir d'ici une heure pour le tirage qui vous permettra de gagner 4 invitations. Je vous le souhaite hein, pour aller voir l'exposition Métamorphose à la Cité des Sciences. Ça serait pas mal, ça, Myriam ? Super, oui. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Et si on ne sait pas au téléphone d'ici là, franchement, maintenant que vous êtes branchée sur France Bleu Paris, vous ne nous quittez plus. Hein. Tout à fait. Des bisous Myriam, merci d'avoir été avec nous. Et on viendra vous applaudir. Théâtre de Nation, vous m'avez dit ? Le nom du théâtre ? C'est comment ? Théâtre Nation, c'est ça. On viendra avec plaisir Myriam. Merci d'avoir été sur France Bleu. orchestral Man of in the Dark, Enola Gay, pour vous accompagner en ce milieu d'après-midi pluvieux sur Paris et sa région parisienne. Vous écoutez France Bleu Paris, vous avez raison, on a parlé de foot et de rugby, parlons des JO. France Bleu Paris 2024. Les JO chez moi, mode d'emploi. Le foot avec le PSG qui joue ce soir, le rugby qui continue pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques qui s'approchent avec ce décompte à J-282 jours. Chaque jour, 8h45, 16h20, on retrouve le spécialiste des JO, Thomas Chéberry, salut. Eh oui, toujours le sport. Bonjour ouais. Eric. Bonjour Thomas, c'est vrai. Hein. Le temps c'est de l'argent aussi, comme dit le dicton Thomas, mais c'est aussi du sport. Et il en faut des chronos pour comptabiliser toutes les performances de nos athlètes. Et c'est la marque Omega, Thomas, qui s'en occupe pour nos Jeux Olympiques de Paris. Vous avez souhaité nous en parler parce que c'est un partenariat qui ne date pas du tout d'hier, je crois. Eh oui, Omega ne fait pas uniquement des montres pour James Bond. Tous les 4 ans, ils sont là au rendez-vous pour être derrière chaque performance de nos sportifs et notamment en athlétisme, bien sûr, où d'accord. Le chronométrage précis n'est pas qu'une option, c'est l'essence même de ces disciplines. Et ça dure depuis 1932, une relation privilégiée entre la marque et les JO, comme nous le raconte Reynald Ashliman, le président d'Omega. L'histoire d'Omega et les Jeux Olympiques, en fait, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui est très vieille, puisque ce sera la 31e fois que Omega aura la mission d'être les chronomètres officiels de ces Jeux Olympiques. Tout a commencé en 1932, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque déjà, notre réputation de précision, de performance, d'excellence, elle était très forte, et l'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932 a donné pour la première fois la mission à la marque Omega de devenir le seul et unique chronométreur officiel de ces Jeux Olympiques. Et ce n'est pas rien d'être le chronométreur officiel d'une compétition aussi importante que les Jeux Olympiques. Forcément, il faut que le dispositif soit à la hauteur de l'événement. Ça demande une certaine expérience, mais tout semble être plutôt bien en place pour Paris 2024. Nous remplissons avec perfection notre mission de 2 chronométreurs avec 20 chronographes. Nous sommes pour Paris à plus de 400 tonnes de matériel et 600 employés, toujours avec la même passion, la passion de la technique, la passion de la précision et bien sûr la passion de la performance et de l'excellence. Omega, qui en plus d'être présent, vous l'aurez compris, sur toutes les épreuves qui nécessitent leur présence, sera également sur la Tour Eiffel. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un gros compte à rebours qui sera bientôt installé sur la Dame de Fer à l'occasion de J-200, la cérémonie d'ouverture. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr en temps voulu. France Bleu Paris 2024. Les JO chez moi, mode d'emploi. Merci beaucoup Thomas Chéberry. Et retour demain à 8h45 et 16h20 pour les JO chez moi, mode d'emploi. Et demain, on s'intéressera toujours en prévision des JO de Paris 2024 aux dispositifs qui sont déployés et qui seront déployés d'ailleurs à l'école et auprès de nos enfants pour les sensibiliser, notamment à la pratique sportive. On en parlera. On va écouter Nuit Incolore de son vrai nom, Théo Marclay. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il cartonne. C'est un chanteur, un compositeur. Il est suisse et né au Vietnam. Son titre Dépassé a été disque de platine cette année en 2023. On l'adore. Il avait même été sélectionné pour l'émission La Chanson de l'année sur la chaîne TF1. On l'a même reçu dans La Nouvelle Scène sur France Bleu. Le voici tout de suite. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Les larmes est une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison. Je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres. Je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust. Je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire. Mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre. Dépassé et nuit incolore sur France Bleu. Restez bien avec nous avec vos instantanées routes et notamment Godéric, tiens, qui est une fidèle auditrice qui habite Boulogne-Billancourt. Godéric, elle vient nous passer un petit coup de téléphone au 01 42 30 10 10 pour nous dire que côté trafic rue de la Convention, c'est fermé à cette heure-ci au niveau de l'église et également au niveau Saint-Christophe, hein, face au ministère des Affaires étrangères jusqu'au pont de Javel. Voilà pour l'info route. Et sans doute en train de rentrer, hein, l'ami Godéric à la maison. Merci pour l'info. En parlant des infos routes, bah, on va continuer de tout vous dire sur ce qui se passe à cette heure-ci sur France Bleu Paris. C'est dans moins de 2 minutes. Ciné, théâtre, télé, humour, toute la culture est chaque soir sur France Bleu. Et bonjour, David Lantin. Mon invité ce soir est comédienne, animatrice, scénariste et réalisatrice. Ancienne figure de Canal+, c'est l'humoriste que je recevrai ce soir. Elle vient nous présenter son premier spectacle mis en scène par un certain Alex Lutz. C'est Anne de Petrini qui sera avec nous dès 20h30 sur France Bleu. La scène culture sur France Bleu, chaque soir, dès 20h30. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Adoptez l'esprit rugby en découvrant la nouvelle exposition en partenariat avec la Galerie Polka, présentée jusqu'au 1er novembre à l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison. Plongez dans l'univers du rugby au travers de 120 photographies de presse, mais aussi des objets collector qui retracent son histoire, ses valeurs, ses plus beaux moments, ainsi que les plus grands joueurs qui ont fait vibrer de nombreux supporters au fil des années. Alors, prêt à vibrer à Rueil-Malmaison? Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Paris, ici, on parle d'ici. 16h32, bienvenue, ça va? Peut-être que la journée est terminée, ça y est. Oh, peut-être qu'elle ne fait que commencer aussi. Courage, on est tous sous la pluie, on est tous sous la grisaille, avec des températures qui restent chaudes et agréables. 19 degrés à cette heure-ci dans Paris, 19 degrés également à Villepinte-Tremblay en France, mais sous un temps bien gris, vous l'avez compris, 19 degrés aussi au sud, à Montrouge, Clamart, et jusqu'à 20 degrés encore à Choisy-le-Roi. La tendance météo France pour ce soir, des petites averses toujours possibles, notamment à Orly. Du vent sud à sud-ouest, modéré à cette heure-ci, 40 km/h pour les rafales, et 13 à 14 degrés pour les minimales. Attention demain, hein, des pluies et des nuages si vous prenez le volant. D'ailleurs, à cette heure-ci, vous êtes sur la route et les chaussées sont glissantes. Les conséquences, c'est qu'on n'est pas loin de 300 km de ralentissement cumulé. Un accident sur l'A15 en direction de Paris pour rejoindre Sannois. C'est chargé aussi. Merci à Thierry qui nous a appelé au 01 42 30 10 10 pour nous signaler cet accident sur la 16 en direction de la province. Vous ne roulez plus sur la voie de gauche. Deux accidents au sud-est, l'un sur l'A4 pour rejoindre Saint-Maurice depuis Charenton. Et puis un autre accident de Créteil-Pompadour pour rejoindre Maison-Alfort. Je termine par le sud et ce véhicule qui est à l'arrêt. On est sur l'A126 extérieur. Prudence sur le périph, il y a du monde. 3/4 d'heure, porte d'Auteuil, porte d'Orléans, sur la rocade extérieure. Du monde sur la route, courage, patience, allez-y tranquillement. On est là pour se détendre et vous divertir. Vous êtes sur France Bleu Paris.

J'irai chercher ton âme dans les froids. Pour que tu m'aimes encore. Céline Dion sur France Bleu, chanson de Jean-Jacques Goldman, l'album de sortie en 94. Quel succès pour Céline Dion depuis, hein, voilà, on le sait, on pense beaucoup à elle parce que on sait que Céline, elle travaille, elle traverse une période un peu compliquée, en ce moment, voilà. Et donc, comme c'est une artiste qu'on a toujours soutenue avec France Bleu, on pense très fort à Céline Dion et à la voir très bientôt en concert serait un plaisir pour les uns et pour les autres. Et ça, c'était 4 ans plus tard. Et oui, on l'entend, la bande son du film Titanic, succès mondial. Tiens, question autour de Céline Dion, en lien avec Paris. Céline, elle a très longtemps eu un pied-à-terre en France et à Paris. Et selon vous, où est-ce qu'elle habitait? Où était ce pied-à-terre à Paris où Céline et René, à l'époque, ont résidé pendant quelques semaines, ou de temps en temps, lorsqu'ils venaient? Est-ce qu'on est dans le 16e arrondissement, plutôt côté Tour Eiffel? Est-ce qu'elle avait un appartement dans le 18e, plutôt vers Montmartre? Ou la place des Vosges, carrément dans le Marais? 01 42 30 10 10, 01 42 30 10 10. Céline Dion a habité Paris, mais à quel endroit? 16e, 18e ou place des Vosges? 01 42 30 10 10 dans le 16e, dans le 18e ou du côté du Marais. C'est à vous de nous donner la bonne réponse. 5 minutes pour gagner des places pour aller voir une belle expo à la Cité des Sciences. Et c'est en plus France Bleu qui régale. Voici Cabrel. Je serais fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Quand je serais fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. Quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve, quand je serai fatigué d'un métier où tu marches ou tu crèves, lorsque demain les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Y'a les étoiles qui courent dans la neige autour de son chalet de bois. Y'a les guirlandes qui pendent du toit. Et la nuit descend sur les sapins blancs, juste quand ma place. Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là, et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. chez la dame de Haute-Savoie. La Dame de Haute-Savoie, Francis Cabrel sur France Bleu Paris. Cette question autour de Céline Dion. Et quelques minutes, elle était dans le collector du jour. Céline Dion qui habitait la France et qui habitait Paris. Je vous demandais où est-ce qu'elle avait son pied-à-terre dans la capitale, dans le 16e, le 18e ou dans le Marais. C'est Catherine qui nous rejoint. Merci puisque vous êtes super nombreux à avoir tenté votre chance. Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Vous pouvez dire que vous êtes chanceuse hein, parce qu'il y a eu beaucoup de monde là. Hein. Ah, je vous le dis. Ah non, mais déjà très bien. Vous êtes nouvelle auditrice Catherine. Tout à fait. Fait plaisir ça, vous êtes arrivé quand? Vous avez découvert la radio quand? J'ai découvert il y a quelques jours la radio. Quelques jours? À quelle occasion? Vous avez écouté quelle émission qui vous a permis de découvrir France Bleu? J'étais comme avec un ami dans sa voiture et puis j'ai écouté la radio, donc voilà, j'ai entendu et ça m'a plu et je l'ai remise dans ma voiture. Bah, c'est génial et franchement ça nous touche beaucoup, je voudrais vraiment saluer tous les nouveaux auditeurs, vous êtes hyper nombreux à avoir rejoint la communauté France Bleu Paris, puis j'oublie pas ceux et celles qui sont fidèles et qui sont avec nous. Et ben Catherine, France Bleu Paris c'est simple, hein, comme un petit coup de fil comme ça à l'instant, avec peut-être une bonne réponse. Alors Céline Dion, 16e, 18e ou dans le Marais? 16e. Exactement. Alors c'est plus qu'un pied-à-terre, ce que je disais tout à l'heure. On était quand même dans une maison dans le 16e arrondissement avec 10 pièces sur 5 étages, pas rien. Il y avait une salle de cinéma, un spa, une salle de fitness et une vue magnifique, on l'imagine, sur la tour Eiffel. Bon, elle n'a plus aujourd'hui, hein, mais cette propriété, ça fait rêver un peu Catherine, comptait 630 mètres carrés. Pas mal, hein? Oula. Ah ouais? Fait. Ah ben il faut des talkie-walkies pour se joindre et se retrouver hein, dans l'appartement parce qu'on sait pas où on est hein, finalement. Bon, bonne réponse, ça nous permet avec plaisir de vous sélectionner, le tirage a lieu dans une heure. Si on vous rappelle Catherine, vous repartirez avec quatre invitations pour l'exposition Métamorphose à la Cité des Sciences avec France Bleu Paris. Ça serait bien ça, hein? Ça serait bien ça, hein? Ah, ce serait parfait. Bah, une belle idée de sortie pour booster un peu les loisirs dans notre région les prochains jours. Je vous embrasse très fort Catherine et je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Ah bah peut-être à tout à l'heure. Et ne changez pas, hein. Vous restez maintenant sur France Bleu Paris, je compte sur vous. Hein. Voilà. Des bisous Catherine. Bisous, ciao. Sur France Bleu Paris, tous les jours dès 11h, on parie que vous allez jouer. Bonjour à tous. Laurent Petit-Guillaume. Grâce à la télévision, il est devenu le château le plus populaire de France et cette semaine, il vous ouvre ses portes. Venez jouer et gagner la visite privée et guidée du château de la Star Academy. C'est pour 4 personnes. On s'occupe de tout, voyage, petit-déj et même un cours de chant, plus 50 euros de carburant. Bonne chance à tous. Paris Express, tous les jours sur France Bleu Paris, dès 11h. Salut France Bleu, c'est Pascal Obispo. Pascal Obispo, de retour avec sa tournée 30 ans de succès. Si j'ai... Le célèbre chanteur revient sur scène dès cet automne dans toute la France et à Bruxelles. J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville. 30 ans de succès. Simplement être heureux. Pascal Obispo, en tournée dans toute la France et à Paris les 19 et 20 octobre à la scène musicale. Une tournée France Bleu. Obsèques, assurance obsèques, monuments. Pour ces sujets aussi, c'est rassurant le service public. Les services funéraires Ville de Paris prennent tout en charge avec les prix les plus raisonnables pour un service personnalisé et de qualité. Laïque ou pratiquant, qui mieux que le service public pour vous accompagner? Servicesfunéraires.fr, tout au pluriel. France Bleu Paris, le 16-18. Des pluies et des averses à 7h06 sous le ciel parisien et francilien. Tout Paris et sa petite couronne sont touchés à 7h06 avec un vent de secteur sud-est et 19 degrés du côté de Paris, Rueil-Malmaison ou encore Boulogne. Des rafales pouvant atteindre 55 km/h cet après-midi. Attention ce soir, encore du vent et des petites averses qui sont annoncées du côté de Orly. Prudence aussi sur la route puisque les chaussées glissent et vous êtes nombreux. 328 km de ralentissement, un accident sur la 15, toujours en cours depuis Sannois pour rejoindre la D170. Beaucoup de monde sur la 3, la 85. C'est la 4 à l'est. Un poids lourd qui est en panne sur la sortie 6A. On est à hauteur de Bobigny-Ville-Parisis. Ça s'est passé là il y a quelques minutes. Et puis attention au sud, c'est compliqué et chargé sur la 86 intérieure entre Choisy-le-Roi et Thiers. Restez bien avec nous, d'ici quelques minutes, on prendra la direction de la rue Richer dans le 9e arrondissement pour aller dans les coulisses d'une salle mythique à Paris, les Folies Bergères, en mode Accès privé avec Muriel Jordan. Pour l'heure, voici Oshi et Je partirai sur France Bleu Paris. Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai quand ça sera plus. Sortez vos caméras. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Je partirai quand ça sera plus. Je partirai, Sidi Oshi, sur France Bleu Paris, et nous, on va partir du côté de la rue Richer dans le 9e arrondissement, retrouver Muriel Jordan. Le 16-18 de France Bleu Paris. Au Folies Bergères, c'est ce théâtre incontournable de la rue Richer dans le 9e, l'ancien temple de la danse nue, pas l'oublier, qui a été inauguré en 1869, ça s'invente pas, le lieu qui était au départ une usine de matelas, figurez-vous. Muriel Jordan y a baladé son micro, aux côtés du maître des lieux, Frédéric Jérôme, il nous accompagne depuis lundi, à direction une salle secrète au Folies Bergères qui est interdite au public et qui est laissée, figurez-vous, dans son jus depuis les années 20. Frédéric, maître des lieux des Folies Bergères, vous allez me montrer tous ces endroits un peu secrets. Là, nous sommes dans l'entrée principale. Dans le grand hall, dans le grand fameux hall. Grand hall. Et je vais vous emmener à un endroit qu'on ne montre pas depuis très longtemps, qui est la salle de la danse du ventre, qui se trouve sous le grand hall. La salle de la danse du ventre. Alors, la salle de la danse du ventre. C'était une petite salle qui fait une centaine de places, qui est dans les sous-sols des Folies Bergères. Et après les revues, les gens descendaient pour un espèce d'after, entre guillemets un petit peu plus chaud, des feuillages, après les revues qui étaient déjà des où les filles étaient nues. Mais là, en plus, c'était un tout petit peu plus. Alors, Vous n'étiez pas là. À l'entrée du hall, vous avez cet escalier, ces deux escaliers qui desservaient une entrée, que vous voyez, un peu. Qu'il y a une barrière. Un rideau, vous voyez, c'était l'endroit un petit peu. Voilà. C'est l'endroit un peu olé-olé des Folies Bergères. Je voulais vous montrer l'entrée parce que c'est quand même. C'est pour montrer que ça faisait partie quand même de la vie des Folies Bergères, c'est qu'il y avait ce spectacle tard le soir qui avait lieu en bas. Ça, j'adore, on passe sous la barrière. Hop, on ouvre une porte. Cette odeur un peu de cave, de sous-sol, j'adore. cette odeur de souterrain qui nous prend les narines. Ouais. Attention, on démarche. Vous voyez, vous avez une petite scène, c'est assez incroyable. C'est une espèce de petite salle confinée dans les sous-sols des Folies Bergères. Mais c'est génial. Oui, c'est extraordinaire. Oui. C'est tellement insolite, quoi. Et il y a des salles de spectacle à Paris. Parce que là, je pense qu'on peut faire tenir 100, 120 personnes, qui sont bien moins bien que ça. Parce que là, vous voyez, vous avez un cadre de scène, vous avez des rideaux, vous avez, enfin, c'est, à mon avis, c'était un décor, parce que vous voyez, il y a des fausses poutres au plafond. Ça a dû être décoré exprès pour, vous avez une fresque sur le mur avec des palmiers, enfin, c'est un peu. La fresque, elle date de... Ah oui, elle date de l'époque, oui. Mais c'est très improbable, quoi. C'est parce qu'on met pas ça, a priori, dans une salle de spectacle. Enfin, c'était pas, pour moi, c'est un endroit très improbable. Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Il y a toujours eu un petit côté sulfureux sur les Folies Bergères. Les revues, c'était très déshabillé. L'histoire dit que les Preuves Noires, c'était un lieu de rencontre, surtout pendant la guerre, où il y avait des militaires qui rencontraient des femmes de mauvaise vie. Enfin bon, il y a toujours eu un petit côté comme ça, dans la légende des Folies Bergères, un côté un peu olé olé, voilà. Là, dans le plus simple... Appareil. Oui, d'accord. C'est chaud, hein, quand même, un peu, mais un genre dans ce moment. Accès privé dans ce lieu un peu sympathique, les Folies Bergères, voilà. Il y avait de l'effeuillage avant, des danses nues qui se faisaient du côté des Folies Bergères. Un cabaret mythique à Paris, rue Richer, dans le 9e arrondissement. Les coulisses sont à découvrir tout au long de cette semaine. Vous pouvez retrouver Muriel sur FranceBleuParis.fr en podcast. Bientôt 17h, Colin de Gang sur France Bleu. Hey, let's go! Journey, one direction, reaching high. Keep the feeling of the spirit always present as you climb. One direction, one vibration. That's the message. Let us try. Always present as you climb. One direction, one vibration. That's the message. You can make it if you try. Head, Cool and the Gang sur France Bleu Paris pour accueillir Marine Legénie. Bonjour Marine. Bonjour. Oui, enfin, on vous accueille, vous êtes déjà là depuis un petit moment. Mais juste pour dire que dans deux minutes, c'est les infos, à tout de suite. Exactement. Presque 17h. Chaque jour avec Willy Rovelli et la tribu France Bleu. Bonjour, c'est moi. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Dans votre prochain numéro de votre grand talk show de la mi-journée sur France Bleu en direct à partir de 13h, tiens, on se posera la question, la prime rénov', est-ce que ça vaut la peine? En plus, il paraît que tout change à partir du mois de janvier, je n'y comprends rien. Eh ben, on y comprendra. Willy Rovelli et la tribu France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Demain, dès 13h.

épargnés. Alors c'est des petites pluies, des petites averses, voilà, un peu par intermittence, on n'est pas sur des gros orages non plus, mais voilà, faut faire attention, prévoir le parapluie si vous êtes à pied. Ça va continuer ce soir avec des pluies une grande partie de la soirée. Demain, des pluies éparses, des coups de tonnerre, cette fois sont possibles dans la journée. On attend 25 mm de pluie, demain sera plus conséquent sur le Val-de-Marne. Côté Mercure, par contre, bah, plutôt bon, voilà, 19 degrés encore à Paris ou encore à Clichy. Vigilance jaune demain pour le phénomène orage, alors qu'il n'y a pas de phénomène et de vigilance particulier à cette heure-ci. Côté route, eh ben voilà, les conséquences de la pluie, c'est que vous freinez, vous avancez moins vite, la visibilité moins bonne, du coup, il y a du monde et hélas, un accident à vous signaler sur la 15 en direction de la province entre Éragny et Pontoise-Centre. Autre accident, cette fois à l'est, sur la 86 intérieure, entre le Perreux-sur-Marne et le pont de Nogent. Beaucoup de monde sur la 104, beaucoup de monde sur la 86, le sud, la 6 et la 6A. Et puis un coup d'œil sur les temps de parcours, presque 50 minutes, c'est énorme, hein. Entre Port d'Auteuil et Port d'Orléans, sur la rocade extérieure, comptez 35 minutes pour faire porte-maillot Port de la Chapelle, sur la rocade intérieure de la 14 pour rejoindre la 1. Et c'est sous la pluie, mais avec beaucoup de bonne humeur, qu'on vous accueille à 17h05 sur France Bleu. Le 16-18 de France Bleu Paris, Éric Bastien. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, vous êtes super nombreux à nous écouter et vous êtes super nombreux à vouloir gagner ces invitations, je vous le souhaite. Avant 18h, l'un d'entre vous repartira avec ses 4 invitations pour aller à la Cité des Sciences de Paris, pour les vacances, pour toute la famille, pour assister à l'exposition Métamorphose, une belle occasion de découvrir des jeux, des escape games et une sensibilisation autour de la science qui est expliquée aux plus jeunes à travers notamment la forêt merveilleuse. Tout ça c'est à gagner dans les prochaines minutes. Et puis on parlera de Zola et de Méliès, ils sont au cœur de l'affaire Dreyfus. Et cette affaire, on la retrouve dans un spectacle qui est à découvrir à la Comédie Bastille. C'est du cinéma et de la littérature. C'est à 17h10. Sans oublier l'expo Résistant, une expo immersive à l'ancien musée de la Libération de Paris. C'est le menu des toutes prochaines minutes de France Bleu Paris. Ça va, il fait jour là, à cette heure-ci. La nuit n'est pas tombée. Mais qu'allez-vous faire ce soir? Demandez à Louise Attac. Ils savent quoi faire, généralement, eux, les nuits parisiennes. Je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à sienne, et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein, et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes, et t'emmener haut, saluer bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui, ou bien tout ça si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence, je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Mais moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belassiennes. Je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées balassiennes. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées balassiennes. Les nuits parisiennes sur France Bleu Paris, c'est Louise Attac. France Bleu Paris, le 16-18. Soyez les bienvenus sur France Bleu Paris. On vous donne plein d'idées de sortie, plein de bons plans liés aussi à la culture. Et c'est avec grand plaisir que l'on va parler d'un événement et surtout voilà d'une exposition immersive. Résistant, l'exposition immersive, c'est en ce moment. Et c'est Thibaut Paquin qui est notre invité, qui est producteur de cette expérience pour en parler sur France Bleu. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Résistant, une aventure immersive dans la peau des grandes figures de la résistance française. Vous avez eu envie de proposer une immersion au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est une expérience qui est proposée par Sculpteurs de Rêve, un collectif d'artistes qui font donc des expériences immersives où on va mélanger le théâtre immersif, l'escape game, le jeu de rôle, et on aime s'inspirer de l'histoire. Et donc là, pour cette expérience qui ouvrait aujourd'hui, on propose la résistance, qui est une période qui est pas si lointaine, mais qu'on oublie peut-être aussi un peu, donc on avait envie de replonger devoir de mémoire public, voilà encore tout à fait fois, d'une manière assez ludique. Alors on est ouvert à partir de 8 ans, donc c'est quelque chose qui est très familial comme expérience, peut-être aussi l'occasion de partager entre les générations des anecdotes, de faire revivre voilà un peu d'histoire. Alors Thibaut, ce qu'on peut préciser, Thibaut Paquin, c'est que c'est situé dans l'ancien musée de la Libération de Paris, qui fait que c'est un lieu avec une, franchement, on va se dire, une valeur symbolique importante. Oui, tout à fait. Alors, on avait eu l'idée de cette expérience avant même de trouver le lieu, et puis ça s'est vraiment fait comme ça par hasard, et on en est ravis. C'est un lieu qui est au-dessus de la gare Montparnasse, qui était fermé en fait. C'est un peu difficile à trouver. On est au-dessus de la gare, donc sur une dalle à côté du jardin de l'Atlantique, qui était effectivement le musée, qui a maintenant été déplacé à Denfert. Et là, on a 400 mètres carrés qu'on a redécoré avec des décors de cinéma presque d'époque, et on va évoluer dans ces décors avec 3 comédiens qui jouent une dizaine de rôles. Et on va les suivre dans différentes aventures dont on est aussi un peu le héros, hein, parce que c'est vraiment très interactif et très immersif. On a des groupes de 18 personnes à chaque fois maximum, et on va vivre 1h30 d'aventure. Alors il y a aussi des énigmes, et puis on peut se faire sa propre expérience. Donc c'est quelque chose qui va être très plein d'émotions évidemment, mais on va vraiment marquer le public. Et on espère lui apprendre des choses, l'ouvrir sur Résistant. Thibaut Paquin, vous êtes producteur de cette expérience et vous en parlez très bien. Cette exposition immersive qui a débuté aujourd'hui avec toutes ces performances théâtrales, les décors immersifs, c'est ouvert dès l'âge de 8 ans, ça c'était important. Le lieu que vous venez d'évoquer, vous mettez en valeur tous ces actes de courage. Je voudrais en dire un mot, tout ce qui a baigné aussi de lumière. Faut le dire, vous l'avez dit, c'est une période sombre. Il y a eu aussi des moments héroïques et importants qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Alors, on va parler de Jean Moulin, de Rol Tanguy, mais on a aussi à cœur de parler de résistants qu'on connaît pas, peut-être des gens de tous les jours qu'on va pouvoir incarner, qu'on va pouvoir rencontrer, pour aussi faire comprendre que la résistance c'était plein de gens qui ont fait plein de choses. Évidemment. Mais toujours avec beaucoup de courage, et on va découvrir ça sur 1h30. Et tout ça se fait, vous l'avez dit, sous forme de jeu de rôle, d'escape game, de théâtre immersif. C'est un vrai voyage, c'est plein d'émotions, parce que ça c'est important aussi entre les générations, de se passer les choses et puis de le vivre entre générations, même si vous l'avez dit, la Seconde Guerre mondiale c'était il y a déjà 70 ans, mais il faut pas oublier tout ce que les uns et les autres et nos anciens ont vécu. C'est en ce moment Résistant, ça vient de débuter, l'exposition immersive dans ce lieu si particulier, on vient de l'évoquer, pour vivre l'histoire, pour mieux la comprendre, donc au cœur de Paris, dans l'ancien musée de la Libération de Paris. Merci beaucoup Thibaut Paquin d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'était un plaisir, et puis on s'y rendra pour perpétuer la tradition de connaître tout ce qui a pu se passer et de comprendre aussi un petit peu mieux l'histoire. Des bons plans, il y en a plein sur France Bleu Paris. On va continuer en musique avec Jennifer Evo Cavechu, extrait de l'album Corsu Mezzu Mezzu Tiveku Olomio Bandera, c'est sur France Bleu. Ti vego la mia bandera in luviore che si spanna ogni istante rausole in ogni gioco di campana si per me l'alto vanale a mia strada mio fontana o la mia bandera o la mia bandera ti vego la mia bandera in ogni fiume chi corre in usa abbraccia un mare in aianna di albore si per me a stella ardente guida di un messembulore o la mia bandera o la mia bandera ti vego la mia bandera in ogni monte scolpito in ogni lari ogni legge, ogni gasta, ogni derido, si per me a scorza ardita di l'arburu sembra rito, o la mia bandera, o la mia bandera. Io evo la mia bandera, il pianto di l'uccello, in la mano che si vuole, in la risa di un zitello, si la mia per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio. Voce Ventu Jennifer Tiveku Olomeo Bandera, extrait de Corsu Mezzu Mezzu sur France Bleu, le grand concert hein, Corsu Mezzu Mezzu à Paris La Défense Arena avec France Bleu Paris. Dans quelques jours, elle lancera d'ailleurs aux côtés de Slimane ou encore Patrick Bruel. C'est le 28 octobre. Restez avec nous sur France Bleu Paris. On va parler de Georges Méliès et d'Émile Zola à travers une pièce qui s'appelle Les Téméraires. C'est au cœur de cette affaire Dreyfus, spectacle à découvrir à la Comédie Bastille. C'est dans un instant sur France Bleu Paris. Le 6-9 France Bleu Paris, le réveil dans la bonne humeur. Service compris. Bonjour. Romain Ambroux. Ce jeudi, du sourire, des initiatives positives, des enseignants par exemple qui se mobilisent pour aider une famille. 7h15, découverte de celui qui rachète des bateaux pour en faire des lieux de loisirs sur la Seine. Robin Barnot, à vos côtés, quelque part en Ile-de-France. Et ça, ce n'est qu'un aperçu du 6-9 de ce jeudi. Le 6-9 France Bleu Paris. Tous les matins, dès 6h. Salut France Bleu, c'est Pascal Obispo. Pascal Obispo, de retour avec sa tournée 30 ans de succès. Si le célèbre chanteur revient sur scène dès cet automne d'être fan. Dans toute la France et à Bruxelles. J'ai hâte de vous retrouver en concert dans votre ville. 30 ans de succès. Simplement être heureux. Pascal Obispo, en tournée dans toute la France et à Paris les 19 et 20 octobre à la scène musicale. Une tournée France Bleu. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Le 16-18 de France Bleu Paris. La météo en région parisienne avec à cette heure-ci 17 degrés, beaucoup de pluie. Hein. On est bien arrosé sur l'ensemble de Paris, l'ensemble des différents arrondissements. Et puis la région Île-de-France, 18 degrés à Villepinte avec quelques averses à cette heure-ci, 19 degrés. Ça veut dire qu'il fait chaud, mais il pleut. Sortez le parapluie, soyez prudents. Il y aura des pluies également demain matin. Un temps bien gris, des rafales qui soufflent à 40 km/h à cette heure-ci. Demain, 55 km/h. Par contre, côté Mercure, 21 degrés. Demain, décidément, on ne s'en sort pas. Alors que nous sommes pourtant quasiment le 20 octobre. Je ne sais même pas quel jour on est. Mais en attendant, l'état des routes, forcément, il pleut, donc eh ben vous êtes ralenti, tant mieux, vous ralentissez, vous avancez plus lentement. Les résultats des courses, vous êtes nombreux, 377 km de ralentissement. Wow. Ça fait beaucoup là. C'est rouge sur la 3, la 86, sur la 4. Vous évitez aussi la 86 intérieure entre le Perreux-sur-Marne et le Pont-de-Nogent. Il y a un accident. Il y a Evelyne qui nous a appelé pour nous dire qu'il y a un véhicule qui est à l'arrêt sur la 86 extérieure. On est entre Thiers et Choisy-le-Roi et puis évitez enfin totalement au nord cet accident sur la 15 en direction de la province depuis Éragny pour rejoindre Pontoise-Centre. Allez, on va parler de théâtre sur France Bleu Paris à 17h20. Les Téméraires. L'histoire de Zola et de Méliès est au cœur de l'affaire Dreyfus. C'est en ce moment à la Comédie Bastille, rue Nicolas Appert, toute petite rue. Voilà que je vous recommande pour aller découvrir ce spectacle. C'est une comédie historique. Et pour en parler, eh bien, nous accueillons Charlotte Matzneff qui a signé la mise en scène. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, vous êtes une comédienne. Il nous faudrait longtemps hein, pour parler de votre carrière, mais je rappelle que vous êtes une comédienne favorite de Jean-Philippe Daguerre. On vous a vu dans de nombreuses de ses mises en scène, comme Adieu Monsieur Hoffman, qui a reçu quand même 4 Molières il y a encore quelques années. Et puis, première mise en scène, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, 2017, avec Le Médecin Malgré Lui, qui s'est joué entre autres à Paris et en tournée. Vous arrivez là avec cette pièce, je le disais, pièce historique. On y croise donc Georges Méliès et Émile Zola, tout ça parce qu'ils étaient baignés au cœur de la même affaire. En fait, ils ont décidé, chacun sans savoir l'un et l'autre qu'ils étaient en train de faire la même chose, de défendre Dreyfus convaincu de son innocence. Donc évidemment, on connaît très très bien le fameux J'accuse de Zola. Ce qu'on connaît moins, c'est le film que Georges Méliès a fait, qui s'appelle L'affaire Dreyfus. Et en fait, les deux jeunes auteurs, Alexandre Foulon et Julien Delpech, ont eu la merveilleuse idée de raconter donc cette affaire Dreyfus, mais à travers le regard d'un côté d'Émile Zola et de l'autre côté, pour raconter l'affaire Dreyfus, on est dans le tournage de Méliès, avec donc toutes les péripéties auxquelles va devoir affronter Méliès, parce que c'est un peu une sorte de Tim Burton avant l'heure. Il était un peu foufou, très avant-gardiste, il a imaginé des choses incroyables, et donc ce film a inspiré le genre du documentaire, et en fait, ce prisme-là permet du coup beaucoup de légèreté. Parce qu'en fait, quand on raconte l'affaire Dreyfus, tout de suite, on imagine quelque chose de dur et de noir. Parce que, évidemment, alors, l'histoire n'est pas très rigolote. Charlotte, on va juste rappeler qu'on est en 1894, que l'affaire Dreyfus divise la France. Il y a un capitaine qui est accusé d'espionnage, qui est déclaré coupable. Et en plein succès littéraire et contre l'avis de son éditeur, Zola enquête sur le cas Dreyfus. Vous avez évoqué le fameux J'accuse, qui était dans l'Aurore. Et c'est à ce moment-là que, dans son studio de cinéma, Georges Méliès, voilà, un des empereurs du cinéma, s'engage, lui, à dénoncer ce mensonge d'État. Ça, c'est pour le contexte historique. Comment vous mettez ça en scène avec 7 comédiens qui interprètent 30 personnages ? Alors ça va vite, c'est énergique. Les comédiens donc interprètent beaucoup de personnages. On a Émile Zola qui ne joue entre guillemets que Zola pour permettre quand même une certaine compréhension. Et après il y a également sa femme Alexandrine Zola qui ne joue que Alexandrine. Quand j'ai dit que, évidemment, c'est avec des guillemets. Et après tous les autres comédiens qui sont 5 font tout le reste des personnages. Donc c'est un vrai ballet, ça n'arrête pas. Et c'est vrai que je trouve la force du spectacle, c'est qu'on passe du rire à l'émotion en permanence. Et alors vous avez imaginé tout ça aussi autour d'un dispositif cynique qui met au centre de l'action un piano, qui est en fait le piano d'Alexandrine, qui était la femme de Zola. Oui, alors ça c'est en fait c'est un piano, c'est un bureau. En fait, le scénographe Antoine Millian a fait un travail remarquable et il a construit. On a l'impression en fait quand on arrive qu'il y a cet énorme bureau sur lequel on va voir Zola commencer à écrire. Et en fait, ce bureau se transforme au fur et à mesure des scènes. Un coup c'est une calèche, un coup c'est le piano. On est dans le salon d'Alexandrine. un pouls, on est sur le plateau de tournage de Méliès. Et ça est extrêmement ingénieux de la part d'Antoine Millian. Voilà, on a en fond de scène, on a les verrières qui permettent également de faire des projections, etc. Et voilà, moi je me suis beaucoup amusée à mettre en scène ce petit... Ça s'entend beaucoup, puis d'autant que vous aimez le théâtre populaire, le théâtre qui permet, vous le dites, grâce à différentes grilles de lecture, d'être accessible à tous, c'est ça aussi le théâtre. Voilà, quand il met personne à la porte, et ça c'est bien dit. Charlotte Matzneff, metteur en scène, Les Téméraires, ça se joue en ce moment, y compris 7 comédiens, 30 personnages, dans ce contexte, cette comédie historique autour de l'univers de Georges Méliès et d'Émile Zola. C'est à la Comédie Bastille. Merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous. Je rappelle que c'est les mercredis, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, soit à 19h, ou à 21h, vous renseignez sur le site notamment de la Comédie Bastille. Merci Charlotte. Merci, bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Alors, puisque c'est à la Comédie Bastille, une question sur la Comédie Bastille. C'est dans une toute petite rue, la rue Nicolas Appert, un théâtre parisien. Eh ben avant, c'était quoi ? Avant d'être un théâtre parisien. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a plein de salles, plein de lieux comme ça qui ont été récupérés pour devenir des scènes. Je vous pose la question, la Comédie Bastille, qui est à deux pas des anciens locaux de Charlie Hebdo, on en a beaucoup parlé, c'était un ancien atelier de menuiserie ou un ancien garage automobile ? Est-ce que vous le savez ? Ancien atelier de menuiserie, alors j'ai quelqu'un dans le studio qui a peut-être un indice, ou vous pensez à quoi, madame ? Allez-y, non, mais allez-y, on vous ouvre. Un garage. Vous dites un garage, vous? Voilà, c'est Kara Méziane qui travaille sur plein d'émissions, qui fait partie des gens qui travaillent ici à France Bleu Paris, qui dit un garage, ne l'écoutez pas. 01 42 30 10 10, puisque c'est pas la bonne réponse. Est-ce que c'est un atelier de menuiserie ou est-ce que c'était un garage automobile? Vous avez 5 minutes pour nous appeler. 01 42 30 10 10. On a 4 invitations pour vous, pour aller à la Cité des Sciences avec France Bleu Paris. Bonne chance, voici Talk Talk, It's My Life sur France Bleu. It's my life, le groupe Talk Talk sur France Bleu Paris. On va prendre la direction. France Bleu Paris, le 16-18. De trembler en France. Je voulais faire en deux parties pour pas interrompre le jingle qui a parlé. Bonjour Chamrène, comment on prononce votre prénom ? Chamrène. Sandrine ? Non, Chamrène, à l'anglaise. Ah, Chamrène ! Ah ouais, et vous l'écrivez comment ? S-H-A-M-R-D-E-N. D'accord. Vous êtes anglaise ? Non, de l'île Maurice. Ah, vous êtes de l'île Maurice. D'accord. Qu'est-ce que vous faites à trembler en France ? Bah, j'ai vu depuis des années, hein, j'ai grandi en France, Bah oui. Non, mais ça me donne envie de partir dans l'océan Indien, du côté de l'île Maurice, voilà. Comment il s'appelle ce grand jardin à l'île Maurice, là où il y a des nénuphars ? Vous connaissez ? Le jardin botanique. Et voilà, il y a un grand jardin botanique avec des nénuphars absolument magnifiques à l'île Maurice. Bon, voilà, c'était juste histoire de rêver parce qu'il flotte comme c'est pas permis à Paris, en région parisienne. Soyez la bienvenue, vous êtes responsable de facturation. Donc en gros, il y a une Exactement. Facture, vous établissez la facture et on la reçoit. C'est vous qui faites ça ? Exactement, et aussi je relance quand ça paye pas. Ah d'accord, ok. Et vous écoutez la radio depuis combien de temps, là ? France Bleu, vous connaissez depuis longtemps ? Bon, on va dire depuis 2-3 ans. Ah et ouais. À chaque fois, j'en dis, bah tiens, je joue pas, non, on verra. Et là, c'est sur coup de bol, allez, on tente. Allez, bah oui, bah vous avez raison, bah vous avez bien fait. Bah écoutez, soyez la bienvenue, Chamrène. On va effectivement jouer autour de la Comédie Bastille. On a parlé de cette pièce de théâtre, Les Téméraires, en ce moment. L'histoire de Zola et Méliès au cœur de l'affaire Dreyfus. Je vous recommande hein, cette comédie historique. La Comédie Bastille, Saint-Cruz Nicolas Appert, c'était un atelier de menuiserie ou c'était un ancien garage automobile ? Non, la première réponse, atelier de menuiserie. Voilà, donc tout à l'heure... Kéra nous avait dit le garage automobile. Vous voyez, Kéra, bah vous êtes trompé. C'est effectivement la bonne réponse. Bravo, Chamrène. C'était bien un atelier de menuiserie. Et c'est en 2010 qu'il y a une cinquantaine de théâtres privés de Paris qui ont été réunis au sein d'une association, dont la Comédie Bastille. Puis ils sont renforcés autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les théâtres parisiens associés. Rue Nicolas Appert, plein de beaux spectacles à découvrir. Bravo, c'est une bonne réponse. On vous retrouve peut-être dans 10 minutes. Ça marche. Oui, parce que dans 10 minutes, c'est le tirage parmi tous ceux et celles qui jouent depuis 6h du matin pour repartir avec 4 invitations à l'exposition Métamorphose qui est à la Cité des Sciences. Vous avez des enfants ou des gens avec qui vous pourriez partir pour découvrir un peu l'univers En famille, j'ai mes deux enfants et mon mari. Ah bah carrément, parce que c'est la vulgarisation de la science à la Cité des Sciences à travers cette exposition où on répond à des questions que les enfants de 5, 6, 7, 8 ans se posent. Bah, je vous souhaite peut-être de gagner ces invitations. À tout à l'heure, Chamrène, merci d'avoir été avec nous. À tout à l'heure. Bel après-midi. Merci, au revoir. France Bleu Paris, 17h30. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Bonjour, Robin Bernot. Chaque matin, on vous raconte toute l'actualité en direct de nos régions. À 5h et 5h30, les journaux de Soisy-Bourg. À 5h15, on fait le tour des unes de nos quotidiens régionaux. Et à 5h45, c'est l'info des Lève-Tôt. Un sujet d'actu sur lequel nous zoomons afin de mieux comprendre. Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Paris, ici, on parle d'ici. Et ici, on parle aussi de la météo en région parisienne avec des températures pluvieuses, grises. À cette heure-ci, si vous quittez votre travail et que vous devez rentrer à la maison, sortez un parapluie, vous en avez besoin. Il n'y a pas de vigilance particulière sur Paris, sa petite couronne, mais demain, vigilance jaune pour le phénomène orage qui est annoncé. Des nuages et des étoiles prévus pour ce soir et des températures proches de 13 à 14 degrés pour les minimales. Il fait encore 17 degrés à Paris ou encore à Boulogne-Billancourt. Côté trafic, beaucoup de monde, 398 km de ralentissement. C'est très copieux. il y a à cette heure-ci un accident sur la 86 intérieure, à hauteur du Perreux-sur-Marne, en direction du pont de Nogent. Secteur à éviter aussi ce véhicule qui est en panne sur la 86 extérieure de Puitiers pour rejoindre Choisy-le-Roi. Et puis pas mal de monde aussi à l'ouest avec attention ce piéton sur la bande d'arrêt d'urgence sur la 13 en direction de Paris depuis la forêt de Marly-Sud pour rejoindre Roquencourt, secteur largement à éviter. Il est bientôt 6h25, bienvenue. Le 16-18 de France Bleu Paris, Éric Bastien. Et à 7h06, c'est l'heure de retrouver David Kolski avec beaucoup de bons plans. On a trouvé encore une superbe idée de sortie aujourd'hui. Avec vous, David, vous nous faites découvrir le musée de la Poste. Eh oui, la Poste a son musée, magnifique musée de la Poste ici au 34 boulevard de Vaugirard, qui est ouvert de 11h à 18h tous les jours, sauf le mardi. Un super bon plan à visiter en famille. Je suis avec Valérie Perles, qui est la directrice du patrimoine et des expositions, qui nous emmène dans une exposition dédiée à la carte postale. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on découvre ici? Alors, vous allez voir beaucoup de cartes postales, puisque c'est le sujet. Et en fait, on vous amène dans un voyage à la fois dans au cœur de ces images, comprendre comment elles ont été fabriquées et comment finalement elles modèlent notre imaginaire de l'ailleurs depuis plus d'un siècle, et finir à la fois sur nos frigos, dans les murs de bureaux ou dans des albums de collectionneurs ou encore dans des vide-greniers. Et ben voilà, on se retrouve dans un instant pour une vraie Carrément. Invitation au voyage avec la carte postale ici au musée de la Poste. À tout de suite, David. Encore une super idée de sortir au musée de la Poste, boulevard de Vaugirard. On est dans le 15e arrondissement de Paris, et ben on en parle d'ici quelques minutes, le temps de la dégoupiller, cette fameuse grenade. Depuis le temps, elle a toujours pas. Non, toujours pas. C'est Clara Luciani qui arrive tout de suite sur France Bleu Paris. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde. Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Prends garde sous mon sang là, grenade. jeune maman Clara Luciani, c'est vrai qu'elle a donné naissance il y a maintenant quelques semaines, un petit bout de chou, la grenade sur France Bleu Paris. La grenade a des bons plans, c'est avec David Kolski. Chaque jour à 17h30 sur France Bleu Paris, aujourd'hui David, eh bien, vous nous faites découvrir le musée de la Poste. Vous êtes en pleine visite d'une exposition au musée de la Poste. Et ça, ça fait vraiment plaisir David. On se balade dans cette exposition effectivement et c'est hyper grand déjà, la scénographie est assez dingue parce que il y a une atmosphère un petit peu ombragée et en même temps on a l'impression d'être vraiment dans le ciel, dans les nuages, avec tous ces nuages, ce ciel qui nous entoure de belles photographies et toutes ces cartes postales pour cette exposition sur les cartes postales ici au musée de la Poste, boulevard de Vaugirard. C'est franchement passionnant. Je suis toujours avec notre guide VIP Valérie Perles, qui est la directrice du patrimoine et des expositions. C'est jusqu'à quand d'ailleurs cette expo ici? C'est jusqu'au 18 mars. Ouais, donc on a le temps pour en profiter. Hein. C'est ouvert tous les jours, le musée de la Poste, avec des expositions permanentes qui retracent l'histoire de l'écrit, du métier des postiers. Musée passionnant, entre 11h et 18h tous les jours, sauf le mardi, hein, on l'indique. Il y a beaucoup de cartes postales, vous les avez trouvées où? Alors ces cartes postales viennent un peu de partout parce que finalement aucun musée ne les conserve de manière massive. Donc il y a à la fois des cartes postales qui viennent de grandes institutions un peu prestigieuses, mais aussi beaucoup de prêteurs particuliers qui nous ont ouvert leurs tiroirs, qui nous ont ouvert leurs greniers et qui nous ont prêté leur patrimoine familial. Et ce qui est intéressant, c'est que cet objet de l'intime, en fait, c'est notre histoire à tous. Et si on n'y prend pas garde, c'est un patrimoine qui va disparaître complètement. C'est vrai qu'on fait moins de cartes postales aujourd'hui, on est plus sur les réseaux sociaux, alors que la carte postale, ça reste. Là, on voit des cartes anciennes avec des tons un petit peu bleutés, parfois délavés, mais qui sont restées dans un bon état. Et surtout, un écrit qui est incroyable, parce que moi, j'arrive même pas à me relire aujourd'hui. C'est vrai qu'on écrivait bien, fut une époque. Bah oui, en fait, c'était l'objet qui permettait de créer du lien entre les gens en situation d'éloignement. Et donc, la carte postale, c'était à la fois raconter une histoire, plutôt une histoire agréable, en images et en écrit. Et donc, c'est ce rapport entre l'écrit et l'image qu'on analyse aussi à travers ce parcours. J'insiste sur la scénographie du parcours qui est vraiment dingue, parce que on voit des photos de vacances, on voit les montagnes suisses, on voit ces fameux tourniquets présentoirs de cartes. Celui-là, il date pas d'aujourd'hui, quand même. Non, celui-là, il date des années 50, et vous l'avez dit, la scénographie est importante parce que elle est à la fois immersive, poétique et décalée, parce que c'est aussi une façon de prendre de la distance avec cet objet du quotidien qu'on regarde plus finalement, puisqu'il est tellement, on est tellement habitué qu'on a du mal à accorder beaucoup d'attention à la carte postale. Donc la scéno va nous accompagner dans ce processus, de mise à distance. Ouais, je sais qu'au musée de la Poste, il y a des visites comptées, il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants. Justement, on voit des enfants là, dans le public pas très loin. C'est le genre d'expo qui plaît bien aux enfants, justement, parce que c'est un objet qu'ils connaissent plus trop pour certains. Oui, c'est un objet qu'ils connaissent plus trop, mais ça leur permet d'expérimenter justement l'écriture, ça leur permet aussi de voyager à travers le monde, ça leur permet aussi de se mettre en scène, notamment il y a des décors dans l'exposition, donc ils vont se mettre en scène à côté d'une baigneuse, d'un chamois ou d'un chameau. Enfin, l'idée c'est une expo ludique et donc les enfants prennent beaucoup de plaisir à redécouvrir en fait ce support avec lequel ils n'étaient pas forcément familiers. Ouais, et c'est les vacances, c'est le voyage, hein, c'est une vraie invitation ici au musée de la Poste à découvrir en co-commissariat avec les Archives nationales pour cette exposition sur la carte postale, à découvrir donc tous les jours sauf le mardi, hein, le musée de la Poste ici 34 boulevard de Vaugirard entre 11h et 18h, et puis également d'autres choses à découvrir, pourquoi pas en famille avec les enfants. C'est un bon plan recommandé par France Bleu Paris. Nous on se retrouve demain avec encore d'autres bons plans culture, loisirs, gourmands, comme tous les jours entre 16h et 18h. À demain. Ouais, c'est exactement ça, il dit tout, il sait tout. Merci beaucoup David Kolski. On peut vous dire que demain avec David on a prévu de vous en faire un tour du côté du château de Fontainebleau. C'est un lieu idéal, hein, vous l'imaginez, pour des visites assez ludiques d'ailleurs, hein, durant les vacances scolaires. On en parlera avec David, que vous retrouvez également dès demain dans la matinale dans le 6-9 de France Bleu Paris aux côtés de Romain Ambrou. Christophe Maé, Amadou et Mariam, L'amour est sur France Bleu. C'est le tout nouvel album de Christophe Maé. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits cas qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait changer les gens, l'amour. Ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses. Ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses. Et de nous vos âmes seules. Ça rend aveugle fait éteindre des abat-jours. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jours. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. C'est vrai qu'on la retient bien, cette chanson, hein, franchement, l'amour, avec Christophe Maé, Amadou et Mariam. Si vous aimez Christophe Maé, allez l'applaudir et allez vous ambiancer au son du Cap Vert. C'est là qu'il a puisé ses inspirations. Il sera à l'Accor Arena du 15 au 16 décembre. C'est parti depuis ce matin, 6h, vous tentez votre chance pour gagner 4 invitations et partir à la Cité des Sciences pour assister à l'exposition Métamorphose. On va faire sonner le téléphone chez vous. C'est parti, on est en train de composer le numéro. Merci de votre fidélité, d'être super nombreux à nous avoir appelés. Est-ce que ça va sonner? Ça sonne, et c'est une bonne nouvelle. On va à Paris, dans le 13e arrondissement. On va essayer de joindre. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, madame, hein, c'est ça, c'est madame. Pas du tout. Ah, c'est Paul directement ? Oui, oui, oui. Mais bonjour, Paul. Est-ce que tu sais qui est au bonjour. Téléphone ? Est-ce que tu... Ah, mais j'ai l'impression qu'à son bonjour, il sait déjà. Tu sais où tu es, là ? Tu sais qui est au téléphone ? J'ai une petite idée, mais... Vas-y, vas-y, Paul, t'as 11 ans, tu sais tout. Mais tu imagines bien. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Paul. Excuse-moi, j'ai dit madame parce que j'entendais pas bien. Je me suis dit, c'est peut-être ta maman ou quelqu'un, j'en sais rien. Paul, tu as 11 ans, t'habites à Paris dans le 13e. T'as joué avec nous, c'était quand? C'était ce matin? Oui, ce matin. Il était assez tôt, il devait être 8h sur le dentiste. 8h du matin, mais attends, t'étais pas à l'école? Quelle journée, là? On est mercredi, t'as école, toi, le mercredi, non? T'as pas école? Bah pas en ce moment parce que je suis un peu malade donc petit bout de chou. Bah, depuis lundi que je suis pas là. Oh ça va, t'as rien de grave, rassure-moi, ça va aller? Non ça va, c'est une angine donc ça va, c'est pas très grave. Ça fait mal ça, l'angine. Bon Paul, écoute, finalement hein, l'un dans l'autre, tu vois, t'es malade mais bam, ça te permet d'être avec nous sur France Bleu. Bah voilà, écoute, si je t'appelle c'est parce que t'as été tiré parmi tous ceux et celles qui ont participé depuis ce matin à 6h du mat. C'est pour toi, 4 invitations pour aller à l'exposition Métamorphose. Ça correspond parfaitement à toi parce que c'est une exposition à la Cité des Sciences qui permet d'expliquer pas que les sciences d'ailleurs, mais à travers des jeux ludiques, des escape games, à travers une forêt merveilleuse et tout un tas de trucs pour vous expliquer finalement la science qui est pas toujours facile à expliquer quand on a 11 ans. T'as 4 invitations, Paul. Mais c'est trop bien. Bah parce ouais. Que là, je vais à Paris avec ma grand-mère bientôt. Enfin, je suis à Paris, mais elle va me rejoindre à Paris pour 4 jours. D'accord. Je voulais citer des sciences, qu'on n'a pas trouvé de place. Et puis en plus, là, comme il y a 4 invitations, bah, je vais pouvoir amener mes amis. Donc, s'il y a Amélie et Nathanaël qui écoutent France Bleu Paris en ce moment, vous me demandez. Moi, je veux bien aller à la Cité des Sciences. Il est fort. Et il connaît bien le business. Hein. Il cite tout le monde, les copains, super. Les copines. Patrice Gascoin, là, qui nous rejoint. Bravo, par la télé, Paul. Et, ah ouais, non, là, on est. Paul, on est super content pour toi. Profite avec ta grand-mère, tes potes, tes amis. Je te souhaite d'avance des bonnes vacances scolaires parce que c'est à la fin de la semaine. Et puis, profite bien de ces invitations à la Cité des Sciences avec cet événement et cette expo Métamorphose avec France Bleu Paris. Salut, Paul! À bientôt, merci. À très vite et on salue tous ceux et celles qui ont tenté leur chance. Rendez-vous demain avec d'autres cadeaux pour booster votre pouvoir d'achat. Ici ICI, la nouvelle application de France Bleu et France 3 pour retrouver toute l'actualité de notre région. Sur ICI, retrouvez toutes les émissions de France Bleu Paris et de France 3 Paris Île-de-France. Votre météo en Île-de-France, votre horoscope, les résultats de vos équipes de sport préférées et toute l'info qui concerne notre région. ICI, ICI. Dès maintenant, sur toutes les plateformes, téléchargez l'application ICI sur votre smartphone. France Bleu, ICI. On parle d'ICI. Le supplément vacances du Parisien, spécial balade d'automne, en partenariat avec France Bleu Paris. Besoin d'idées de sortie en famille à Paris et dans sa région pour les vacances? La rédaction du Parisien vous partage une sélection de balades au grand air pour profiter de l'automne. Mais aussi les meilleures expositions et spectacles, les films à voir en salle et ces horribles bons plans pour fêter Halloween. Le supplément vacances du Parisien, ce mercredi 18 octobre, avec France Bleu Paris. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Le 16-18 de France Bleu Paris. Il est 6h moins le quart, bien entamé, je peux vous le dire, avec des pluies à cette heure-ci et des averses. Attention, les petites averses vont continuer selon les prévisions météo France. Il y a une alerte, notamment une vigilance jaune pour le phénomène orage prévu pour demain. Soyez prudents, des rafales qui peuvent souffler, qui soufflent d'ailleurs à 40 km/h à cette heure-ci, 55 km/h prévu demain. 25 mm de pluie prévue sur le Val-de-Marne. Par contre, des températures qui restent correctes, encore 18 degrés à cette heure-ci à Paris, à Versailles également, et demain entre 19 et 21 degrés pour les maximales. Quand même plutôt chaud pour les températures du jour. Demain, 19 octobre, des pluies éparses attendues, notamment le matin, ciel bien gris, des pluies sur le Val-de-Marne et des températures, voilà, je vous l'ai dit, qui seront agréables, et tout ça sous la pluie que l'on voit sur la route, avec à cette heure-ci cet accident au nord sur la 15 en direction de la province depuis Éragny. Pour rejoindre Pontoisante, il y a deux accidents coup sur la 86 intérieure à hauteur du Perreux-sur-Marne pour rejoindre le pont de Nogent. Compliqué aussi sur la 86 intérieure de Villeneuve-la-Garenne pour rejoindre la D7. Et aussi cet accident sur la 86 extérieure au sud entre Thiers et Choisy-le-Roi. C'est copieux, j'essaye de vous donner un maximum d'infos. Le plus hallucinant, écoutez bien, sur le périphérique, vous mettez 1h20. Il faut normalement 39 minutes pour faire 7 km. 1h20 pour faire Porte d'Auteuil, Porte d'Orléans. On est sur la rocade extérieure. Gros secteur à éviter. Vous mettez en revanche 30 minutes. On est dans des temps moyens entre la Porte Maillot et la Porte de la Chapelle. D'ici quelques minutes, on va se détendre avec vous, Patrice Gascoin, et on parlera de télévision. Focus sur quoi aujourd'hui ? Sur une série policière, l'une des meilleures pour sa qualité, sa crédibilité. C'est Les Invisibles sur France 2, on en parle avec l'acteur principal. Je croyais que c'était Magnum ou Dallas, tout ça. Non, c'est avant, c'est une ancienne époque, ouais, ça, Eric. Hein. Ah, oui, tu as allumé la télévision aujourd'hui. C'est ça. Voici Genesis sur France Bleu.

Ce n'est pas tant la proximité de vignes à moins d'un kilomètre des habitations que leur densité qui pose problème en matière de cancer pédiatrique, car cette étude de l'INSERM a pu mettre en évidence que le risque de développer une leucémie lymphoblastique, la plus répandue des leucémies, augmente de près de 10% à chaque fois que la surface des vignes progresse de 10%, toujours dans un rayon de moins d'un kilomètre. Quels sont les vignobles les plus concernés? En l'état, l'étude ne permet pas de le déterminer, elle indique simplement que les résultats sont les plus nets, évidemment dans les grandes régions viticoles, Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse, Pays de Loire et Grand Est avec la Champagne et l'Alsace. L'étude ne s'est pas penchée non plus sur la nature des pesticides employés ou sur l'impact de la viticulture bio dans la réduction des risques. Ce sera l'objet de prochains travaux. L'INSERM qui rappelle que la leucémie est une maladie rare chez l'enfant. Environ 500 sont diagnostiqués chaque année. Le temps, attention à cette vigilance orange, pluie et inondations sur 4 départements, l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault et le Gard. Demain, le temps reste perturbé avec des pluies qui gagnent la région PACA et la Corse sur la façade atlantique et sur le sud-ouest, de la pluie et des orages également. Au petit matin, prévoyez 9 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 à 17 au sud. Dans l'après-midi, le mercure affiche 17 à 22 degrés. 100% PSG sur France Bleu Paris. Pia Clément. Bonsoir à tous, vous écoutez 100% PSG, l'émission qui est fabriquée pour et par des supporters du Paris Saint-Germain. Ce soir, on est en studio avec celui qui est un petit peu devenu notre référence en termes de foot féminin et c'est notamment gentil. De féminine du Paris Saint-Germain, c'est Bruno Herrmann. Salut Bruno. Salut Pia, salut à tous. Donc tu n'es pas le journaliste de l'équipe Arnaud Herrmann, parce qu'il y a souvent la confusion. Aucun lien. Bruno Herrmann, toi, tu à la base, tu n'es pas journaliste, non, mais du tout. Tu es cette personne... laborieuse, dans le sens où industrieuse, comme les petites abeilles, qui écrit des articles hyper complets sur les féminines du PSG, sur le site Culture PSG. On essaie. Voilà, donc quand vous voyez des comptes rendus de match, quand vous voyez l'article d'avant-match aussi que tu as publié aujourd'hui, qui vous donne plein d'infos sur l'équipe adverse, etc. Et ben ça, c'est le travail de Bruno Herrmann. Donc merci encore une fois d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inviter. Ensuite, on prend ta petite voiture et on va où? On va au Parc des Princes parce que ce soir, il y a match pour les féminines du Paris Saint-Germain. Les filles qui vont jouer un match de Ligue des Champions qui est totalement capital pour la suite de la saison. On va expliquer tout ça avec toi Bruno dans un instant. C'est l'heure de la revue de presse. Alors ce soir, mon Bruno, le Paris Saint-Germain handball dispute aussi un match de Ligue des Champions. C'est la 5e journée de Ligue des Champions avec la réception à Coubertin du club danois d'Aalborg. Au classement dans la poule A, le PSG pour l'instant est 2e avec 3 victoires en 4 matchs et Aalborg est 3e juste derrière avec une défaite et un nul pour 2 victoires. Le match se jouera donc à Coubertin, à la maison. Et évidemment, tous les yeux parisiens seront tournés vers la légende du PSG handball, Mikkel Hansen, qui joue désormais à Aalborg, c'est-à-dire chez lui, dans son pays natal et dans sa ville natale, après avoir passé 10 saisons à Paris avec 21 trophées remportés. Donc vraiment véritable légende du PSG handball. Coup d'envoi du match PSG-Aalborg, c'est donc ce soir à 20h45, diffusion sur Eurosport 2. Mais ce mercredi, deux clubs franciliens de football jouent aussi leur fin de saison en Ligue des Champions. Deux matchs de barrage retour et à chaque fois, les Parisiens avait obtenu un nul au match aller. Alors dans le coin droit, j'ai nommé les féminines du Paris FC qui jouent tout à l'heure à 18h45, dans moins de 40 minutes, à Wolfsburg en Allemagne. Au match aller, elles avaient réussi à décrocher un assez bon 3 partout à domicile. Et la diffusion du match, c'est sur DAZN ou sur NATV. C'est gratuit, vous pouvez voir le match gratuitement sur Internet. Et puis dans le coin gauche, évidemment, les féminines du Paris Saint-Germain, dont on va parler pendant toute cette émission, qui reçoivent les Anglaises de Manchester United au Parc des Princes à 20h. On a quand même distribué à France Bleu Paris 20 places pour aller voir ce match. Donc je sais que parmi ceux qui nous écoutent ce soir, il y en a certains qui eux aussi se préparent pour aller au Parc et aller voir ce match. Au match aller, les Parisiennes étaient revenues avec un 1 partout. Pas vraiment satisfaisant. Pas cher payé par rapport au match qu'elles avaient joué, notamment à leur première mi-temps. La rencontre, si vous n'êtes pas au Parc, elle est à suivre sur PSG TV, mais il faut être abonné. Des places sont encore en vente, c'est toi qui l'as dit dans ton article, à partir de 8€. Donc vous pouvez encore changer d'avis et vous dire « bah tiens, je vais aller passer ma soirée au Parc des Princes ». C'est encore faisable. Alors Bruno, tu étais à la conférence de presse hier, où il y avait Jocelyn Préchard, le coach, et Elisa de Almeida, la défenseure centrale du PSG. Tu as fait partie des journalistes qui ont interviewé Elisa et Jocelyn, tout comme Bruno Salomon qui était là avec son petit micro France Bleu. On va écouter un petit peu des extraits de des réponses d'Elisa et Almeida au match aller contre Manchester United, donc un partout. Le match, les filles l'ont revu, Elisa nous l'a expliqué. Elles ont évidemment noté le manque d'intensité du côté parisien en deuxième mi-temps, avec un relâchement, elle l'a avoué, Elisa, qui avait mené à l'égalisation mancunienne. Autre problème identifié dont on va parler en long, en large et en travers dans cette émission, the finition, la finition au Paris Saint-Germain, on ne marque pas assez de buts. Écoutez ce qu'en dit Elisa de Almeida. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on doit pas rentrer au vestiaire 0-0 à demi-temps. Mais c'est vrai qu'on a revu les actions, on a fait beaucoup de finitions cette semaine, donc j'espère que ça va payer demain. Voilà, elle espère que ça va payer demain, donc ce soir. On va reparler de la finition, Bruno, parce que c'est le problème numéro un, on va pas se mentir. Ouais, ça fait déjà quelques saisons que c'est un peu difficile. Ouais, ouais, ouais, chez les féminines du Paris Saint-Germain. Alors, Elisa, qui a eu aussi quelques mots sur la nouvelle arrivante, Tabitha Tchawinga, dont on vous a déjà beaucoup parlé dans cette émission. L'incroyable buteuse malawite qui vient d'arriver, qui a déjà inscrit 2 buts pour le Paris Saint-Germain. Écoutez ce qu'elle a dit sur Tabitha, qui est donc attaquante de pointe, Elisa étant défenseur central. Ouais, c'est vrai que je la prends pas mal au marquage et honnêtement, c'est pas facile. C'est une joueuse avec énormément de qualité, que ce soit athlétique, technique, physique. Je pense que tout le monde l'a vu, elle est ultra rapide. Elle a une frappe de balle, pour m'en être pris une dans la cuisse, je peux vous dire que ça fait mal. Mais on est très très contente de l'avoir avec nous cette année. Voilà, on espère la frappe de balle au fond des filets pour Tabitha Tchawinga évidemment ce soir. Elisa, qui avait aussi un vrai message à faire passer à sa coéquipière Sandy Baltimore. On reparlera peut-être de Sandy aussi pendant cette émission, Bruno. Sandy qui était dans le dur la saison dernière, on la reconnaissait plus, elle était plus aussi explosive et inspirée qu'avant. Sandy Titi hein, du Paris Saint-Germain, et Sandy qui est rayonnante sur le terrain en ce début de saison. Écoutez les mots vraiment hyper sympas d'Elisa de Almeida. Honnêtement, je tenais vraiment à la féliciter parce que c'est vrai que depuis qu'on est rentré de la Coupe du Monde, forcément on ne s'était pas vu parce que nous on était en Australie, mais je pense qu'elle fait un début de saison extraordinaire, elle revient bien et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'elle nous aide réellement et on a besoin d'elle cette année. Voilà, on est d'accord Bruno, on a besoin d'elle sans dire. Ah oui, c'est sûr, voilà. Non, c'est vrai que son début de saison est... quasiment parfait. Ouais, vraiment, elle fait plaisir à voir, Sandy Baltimore, et donc ses coéquipières ont remarqué le changement, visiblement, depuis la saison dernière. On rappelle que Sandy, elle n'a pas été sélectionnée par Hervé Renard pour la Coupe du Monde, donc elle a fait une prépa complète, peut-être aussi paisible. En tout cas, elle a vraiment... Non, tu fais une tête qui dit que non. Disons que le fait de ne pas l'avoir pris à la Coupe du Monde, ça l'a aussi piqué un peu, je pense. Ouais, ça doit être un choc. Et elle a certainement envie de fermer quelques bouches, qui ont un peu trop parlé l'année dernière. Elle a rejoué une position qui n'était pas forcément la sienne et pas forcément idéale pour elle. Il a fallu qu'elle s'adapte pour laisser la place à Martin sur le côté gauche. Donc, elle a dû jouer un peu à droite en faux pied. C'était pas forcément évident pour elle. Et c'est pour ça qu'elle rate la Coupe du Monde, je pense, parce qu'elle avait des performances qui n'étaient pas des meilleures. Malgré tout, Elle était éteinte hein, quand même l'année dernière. Ouais, il y avait un vrai souci. Voilà, hein. On sentait que physiquement, c'était pas ça non plus. Et voilà, je pense que le fait de pas l'avoir pris à la Coupe du Monde, alors qu'elle était dans les sélections précédentes, ça l'a piqué et qu'elle a décidé qu'elle voulait sa place pour les Jeux Olympiques. Et je pense que vu ce qu'elle fait là maintenant, il y a des chances qu'elle l'ait. En tout cas, on l'espère très fort pour elle. Et puis, on va juste conclure cette interview d'Elisa de Almeida, Elisa, donc par Bruno Salomon et le pool de journalistes qui étaient présents hier, par une des clés du match pour Elisa, et devinez quoi, ce sera forcément la magie du Parc des Princes. Le fait qu'on joue au Parc des Princes, je pense que ça peut nous aider. Je l'ai toujours dit, je pense que le 12e homme dans le football, c'est véridique, et au Parc des Princes, c'est plus qu'un 12e homme. Donc honnêtement, le scénario idéal, je dirais juste la victoire. Après, la manière, franchement, je m'en fiche un peu, mais non, je repartirai juste avec la victoire. Alors c'est vrai, ça te fait rire Bruno d'entendre ça, mais oui. C'est vrai que on a eu plusieurs exemples de matchs récemment, par exemple à Manchester ou contre Lyon, où il y avait la manière, même contre Wolfsburg l'année dernière, où on se fait éliminer Ligue des Champions, où il y avait la manière et où au final ça passe pas. Voilà. Donc je peux comprendre ce que dit Elisa. À la limite, totalement. La manière, on s'en fout. Là cette fois, il faut absolument passer quoi. Totalement. Et puis le fait qu'elle parle du parc, c'est aussi une bonne chose. On l'a déjà vu dans le passé. Je me souviens d'un PSG Bayern où au parc où on gagne 4-0 après avoir perdu là-bas. L'apport du parc a été incroyable. Dans les 5 premières minutes on mène 2-0 parce que les joueuses adverses n'ont pas l'habitude de ces ambiances-là, et je pense que pour les Anglaises ça va être le même topo. Elles ont l'habitude des ambiances où ça pousse quand elles ont le ballon, elles n'ont pas l'habitude d'avoir une ambiance hostile comme ça. Donc, je pense que ça peut aider le PSG, ouais. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, Bruno, pourquoi ce match est un coup près et pourquoi demain, on pourrait être, pour ceux qui suivent les féminines du Paris Saint-Germain, en dépression hivernale? Bah, disons que c'est un tour de barrage, hein, complètement. C'est on n'est pas encore en poule de Ligue des Champions, on est avant la poule. Juste avant la poule, donc c'est le match coup près. Donc, il y a deux tours de qualification avant d'arriver aux poules. Le PSG, en tant que deuxième, lui, est qualifié directement pour le deuxième tour. Le PFC, lui, a dû passer par le premier tour et éliminer Arsenal, ouais. En finale, fou, en niveau de sa poule, au pénalty. Donc, pas de bol pour eux. Ils tombent contre Wolfsburg le tour d'après. C'est encore pire. Ah ouais, c'est une des équipes les plus fortes. Là, pour le coup, c'est vraiment pas de bol. Ouais. Et donc, du coup, voilà, les vainqueurs de ces matchs de barrage seront qualifiés, seront parmi les 12 qualifiés qui rejoindront déjà 4 équipes qualifiées, Barcelone, Lyon, Chelsea et et il y a un 4 et le Inter, non, c'est il y a un club le italien. Bayern de Munich, pardon. Okay. Oui, c'est ça, Bayern de Munich qui sont déjà eux qualifiés pour les poules. Donc du coup il faut forcément se qualifier, enfin il faut battre Manchester ce soir pour pouvoir faire partie du tirage au sort vendredi et espérer participer aux poules, sans quoi bah ça va être une saison on va regarder la Coupe d'Europe à la télé et donc ouais, ça et va ça, être ça va long. Être très très dur vraiment parce qu'on a des joueuses qui sont habituées à la jouer hein, au Paris Saint-Germain ouais. Et puis celles qui viennent d'ailleurs, et vraiment ce serait un peu la catastrophe si on jouait pas la Ligue des Champions cette année, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on sentait dans l'interview d'Elisa Dalmeida dans d'autres passages que je vous ai pas diffusés, qu'elles sont au taquet, les filles, et que je pense qu'elles préfèrent se casser les deux genoux que de laisser passer leur chance pour jouer la Ligue des Champions. Enfin, on est à deux doigts de ça. Tout à l'heure, on va découvrir aussi des passages de l'interview de Jocelyn Prêcheur qui va un peu nous accompagner pendant toutes ces émissions. On revient dans un instant avec Bruno Herrmann de Culture PSG. À tout de suite. Chaque matin dès 9h, France Bleu Paris se met à votre service. C'est tout à fait ça. Corentine Felt. Ce jeudi, on s'intéresse au crédit à taux bonifié promis par le ministre de l'Économie. Un taux inférieur possible grâce aux aides de l'État. Grâce aux aides de l'État aussi, vous pourrez en profiter pour faire des travaux de rénovation énergétique, puisque ces travaux pourront être pris en charge à hauteur de 90% pour les plus modestes. On en parle ensemble ce jeudi. France Bleu Paris, à votre service. Tous les jours dès 9h. Le supplément vacances du Parisien, spéciale balade d'automne, en partenariat avec France Bleu Paris. Besoin d'idées de sortie en famille à Paris et dans sa région pour les vacances? La rédaction du Parisien vous partage une sélection de balades au grand air pour profiter de l'automne. Mais aussi les meilleures expositions et spectacles, les films à voir en salle et ces horribles bons plans pour fêter Halloween. Le supplément vacances du Parisien, ce mercredi 18 octobre, avec France Bleu Paris. Enseignement, justice, santé, tout au long de nos vies, c'est rassurant de pouvoir compter sur le service public. Alors pour prévoir vos obsèques, quoi de mieux que le contrat d'assurance obsèques des services funéraires Ville de Paris? Qui mieux que le service public pour vous accompagner? Servicesfunéraires.fr, tout au pluriel. Numéro Orias 0730 000. 100% PSG sur France Bleu Paris. 100% PSG, le mag. Je suis en studio avec Bruno Herrmann, spécialiste des féminines du Paris Saint-Germain pour le site Culture PSG. Bruno et moi, on part au parc juste après l'émission pour aller voir jouer nos féminines à 20h contre l'équipe de Manchester United. Victoire obligatoire pour pouvoir accéder aux poules de Ligue des Champions. Sinon, la Ligue des Champions, c'est terminé pour cette saison. On va écouter, Bruno, un extrait de la conférence de presse de Jocelyn Prêcheur hier. La question qui lui avait été posée était simple. Qu'est-ce qu'il faut améliorer par rapport au match aller contre Manchester? On écoute sa réponse. Être capable de performer sur certains points comme nous l'avons fait au match aller. Être plus efficace sur les temps forts de Manchester. Très vigilant sur les coups de pied arrêtés, qui est un défaut qu'on a depuis quelques matchs, donc qui va être aussi une des clés. Et voilà, notre capacité, notre détermination à marquer et à concrétiser nos actions. Voilà, donc je résume, plus efficace sur les temps forts de Manchester, vigilant sur les coups de pied arrêtés et surtout augmenter notre capacité à marquer. Est-ce que toi, tu aurais répondu la même chose que Jocelyn Prêcheur au vu du match aller? Oui, quasiment. Après, j'aurais même ajouté être plus efficace devant le but. Enfin, ça doit rejoindre un peu ce qu'il dit à la fin. Mais il nous a clairement manqué ça. Sincèrement, vu le match, au bout d'un quart d'heure, on doit mener 3-0, ouais. Tranquille. C'est ça qui est 5-0 c'est à la fou. Pause. On est largement au-dessus en première mi-temps et on sent qu'en deuxième, on revient, on a moins de jus. Alors, Disons qu'à la sortie de Chawinga, à peu près à l'heure de jeu, ils ont fait des entrées aussi de leur côté. Et là, ça a complètement changé le rapport de force. Et on s'est mis à reculer. Je lui ai posé la question en Angleterre, à savoir, son positionnement, on l'a retrouvé tout le temps toute seule. Jayzé. Et on l'a retrouvé vraiment toute seule. Elle récupérait tous les ballons. On comprenait pas trop pourquoi. Et en fin de compte, il a expliqué que le fait que Oriane Jean-François soit blessé, ça a complètement modifié ses plans. Et donc, du coup, il n'avait plus personne pour pouvoir monter sur elle, ce qui était prévu à l'origine, je pense. Et voilà, on s'est retrouvé à reculer. Et c'est un match qu'on devait gagner 5-0, qu'on aurait pu perdre 2-1. Ouais. Donc, c'est déjà, assez on s'en sort pas trop mal avec un 1 partout, franchement. Ouais. Pour le coup. Alors là, tu as évoqué Oriane Jean-François. On ne va pas se mentir, c'est une vraie tuile pour le Paris Saint-Germain d'avoir perdu Oriane Jean-François, qui était un peu le milieu récupérateur de l'équipe et qui était titulaire à surtout les matchs importants. Bah disons que oui, elle s'était installée, elle était venue aussi pour jouer des compétitions internationales, la Ligue des Champions avec le PSG, mais aussi avec l'équipe de France. Elle a raté la Coupe du Monde pour une blessure aux adducteurs. Elle revient, elle fait un bon début de saison. Pas de bol, elle se blesse, elle va rater les Jeux Olympiques. Donc c'est pas de bol pour elle. Sachant que sa blessure, c'est une rupture partielle du ligament croisé antérieur avec le ménisque externe du genou qui est touché. C'est surtout ça. Ça va être de longs mois d'absence. Ouais, on peut dire que on la retrouvera l'année prochaine. Si on est bien, on la retrouvera au mois de juin. Donc bon, oui, c'est franchement pas évident pour elle. Donc après, le PSG a de la chance d'avoir un effectif avec des postes doublés, des joueuses qui n'ont pas joué du tout. Ça viendra peut-être après, mais voilà, je pense qu'il y a des joueuses sur lesquelles on peut compter, qu'on peut relancer. Pour toi, la meilleure option pour la remplacer dans un premier temps, Jackie Gronen. Ouais. Dans un second temps, on peut relancer une joueuse comme Magnaba Folke, internationale U20, qui est formée au PSG, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis que Gérard Prêcheur puis Jocelyn Prêcheur sont là, mais qui avait été lancée par Didier Olé-Nicole la saison d'avant et qui a franchement du potentiel. On l'a prêté au PFC, à Fleury. De juin à janvier dernier, elle a pas beaucoup joué, donc je pense qu'il y a moyen de la relancer. Après, Lorina Fazer aussi peut y jouer, Grace Gueiro peut y jouer aussi à ce poste-là. Corbin Albert aussi qui a fait de belles entrées à Saint-Etienne et aussi à Manchester. Des entrées qui ont été saluées d'ailleurs par Jocelyn Prêcheur. Du coup, oui, on a quand même des joueuses pour pouvoir pallier à ce poste-là. Mais c'est vrai que bon, si elle avait été là, ça aurait été encore mieux. Forcément. Voilà. Après, Marie Katoto est en train de revenir, donc voilà les choses peut-être vont enfin,